fume. La panique m'assassine. Orpheline. Présent froid, présent faille, présent doute, l'envie. La panique. Présent doute, présent glace, présent faille, le vide s'annonce. Yeah.